enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Ouvre ton son, on a trouvé tout à l'heure. Non, c'est vrai, j'ai oublié l'essentiel. Puis dans mon cas, c'est pas d'être aimé, c'est d'ouvrir le micro. Parce que sinon, ça fait des émissions non audibles, c'est les meilleures. Je vous dis, monsieur, c'est les meilleures. Je roule sur des barbudings, moi, le barbuding de la route. Je veux de la bosse pour m'enfoncer en elle. Mes ailes de caoutchouc ne s'envolent pas. Elle embrasse le sol. Oui, monsieur. Hey! Attention. On déchire. On est de même. Nous. On va déchirer. C'est une émission qui déchire ce soir, madame, mademoiselle, monsieur. On va vous laisser. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. L'émission étrange venue d'ailleurs, Errance Rénaldienne. On va prendre le temps et laisser la chance aux auditeurs, à vous, d'appeler quelqu'un que vous connaissez pour dire « Manque pas cette émission-là, c'est la meilleure au monde. » Il n'a jamais fait en 10 ans de radio ce genre de structure narrative improvisatrice-là. Fait que prenez le temps. Je vais vous laisser le temps de réfléchir à un nom d'une amie, d'un ami, et puis appelez-le. Pendant ce temps-là, ben, je vais me parler à moi. OK? Ça, je vous laisse 3 minutes. Hein. Ouais. Moi, je ne sais pas, c'est à votre place. Là. Je serais peut-être un peu nerveux. Là, à qui je pourrais appeler? De un, il faut que je sois résident de Québec. Ailleurs, il faut que je compte le décalage horaire. Et pour certains, c'est le décalage de bière. Hey, non, mais c'est un Borman. Gaétan Borman. Hey, pas Gaétan Borman, le sportif, là, Gaétan le Borman. Celui qui se tient derrière un bar, puis à la fin de la soirée, il se tient sur le bar. Et puis là, à la toute fin, là, il se tient près du... Il se tient sur le bar, au bar de la porte. Oh! Toute sa vie est concentrée sur le bar. Il rentre fier, comme un merle enchanté, turlutant cette petite chanson de la Bolduc. Puis à la fin de la soirée, c'était rien. Puis là, il finit à quatre pattes pour sortir de son bar. Heureux, avec tout son pourboire qui descend de ses poches. Eh, monsieur. Non, je me dis, c'est pas la première fois, ça fait 28 ans que je suis derrière un bar. Je perds de l'argent, mais quand on va venir là, demain après-midi, il m'a tout retrouvé. C'est du rétroactif. On va dire, j'ai de la chance de rentrer travailler, regarde tout l'argent que je trouve. Je m'en souviendrai pas que c'est avec, que j'ai tout perdu ça. Là. Ah, oh, la vie d'un barman. Oh, c'est merveilleux. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi dans un petit café à côté de CKRL. À côté! Si vous faites une émission, vous regardez par la fenêtre, puis c'est là, du même côté de la rue. Non, de l'autre côté de la rue, mais du même côté. En tout cas, je peux pas le nommer. Et puis, la personne avec qui j'étais, c'est mon ancien coloc. Ancien coloc. J'étais dans un café. Écoutez, c'est quoi, elle? C'est cool. Et non, mais je comprends trop. Là, j'ai la tête qui vibre comme un sandwich. OK. Le fromage palpite. Moi, là. Hey, attends, le bacon embarque. Aïe. Hey, c'est trop frit, ça, là. Ça va cuire. Imagine-toi ce qui va revenir. Ah non, la mayonnaise. Ah non. Hey, c'est pas le temps de mettre de la mayonnaise. Puis en plus, le pot de mon beau-frère. Ils ont 50 livres de mayonnaise. Cet été, savez-vous ça? À part que je vois Clémence qui chante en disant « Cet été, je ferai un jardin. » Puis elle fait son jardin devant moi, là. « Si tu veux, avec son petit capuchon, là. Si tu veux rester avec moi. » Je dis « C'est très beau, Clémence, ce que tu fais. » Puis là, sur le gros nerf, Clémence, parce qu'elle se prépare pour une tournée, là. « Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore une fois, il sera joli, c'est certain, j'en prendrai bien soin. » Ça monte. Et puis, là, ma petite Clémence qui fait son jardin en chantant ça, en se pratiquant, se mettait dans le rôle là, de l'humoriste qui reprend le micro pour faire une tournée. Non, c'est mémorable. Mémorable pour Clémence Desrochers. Bravo, Clémence. J'y serai. Au moins 3-4 soirs. C'est un guichet fermé. Moi, essayer de têter des billets. Si on me dit, hey, connaissez-vous quelqu'un qui vend des billets? C'est pas Madonna, moi. Mais rien savoir de Madonna. Moi, c'est Clémence Desrochers. Vendez-vous des billets au noir de eBay? On va regarder sur eBay. eBay, Québec, billets. Madonna, mais maman. C'est pas Madonna. Mais... On m'a l'appeler le madame. Oh non. Hey, t'es pas capable d'avoir la ligne, toi, là, au budget qu'on te donne, là? Là, il est quelle heure pour elle, la petite madame, là? Il est minuit 10. OK, bon, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Premièrement, est-ce que je peux ouvrir les piles? OK, oui. Bon, on a la madame au bout du fil, merci. Hey, le travail de Rita, qui signale comme l'éclair au chocolat. J'ai une blague sur l'éclair au chocolat, mais je la ferai pas. Parce que j'ai vu un film qui parlait de ce genre d'humour-là, puis non, pas moi. Alors là, on appelle qui? Ah oui, la dame qui vend des billets pour Madonna. Madame! Je sais, on vous réveille, hein? Oui, il est minuit 10, n'est-ce pas? Ah, quel bel ordre pour se faire réveiller, hein? Hey, vous vendez des billes, madame. On va vous laisser prendre. Prenez une gorgée d'eau, là. En fait, je sais que vous avez trempé votre dentier dedans, mais c'est pas grave. Il reste. Ça fait de la nourriture à chic en même temps, hein? C'est cochon. Mais vous vendez des billets pour Madonna, vous? Bon, moi, cet artiste-là ne m'intéresse pas. Pas du tout. Peut-être en 80 avec I Like a Virgin. Là. I Like a Virgin, not in the barbroom. Oui, vous la reconnaissez. Hein? Bon, admettons qu'on... Ouais, on la replace. Moi, là, madame, là, attention, êtes-vous prête? Je sais pas si vous avez des billets pour Clémence Desrochers. Ah! Madame! Il vous en reste beaucoup? Je sais qu'on m'a dit 17 pour Madonna. Un seul billet pour Clémence Desrochers, on me souffle ça à l'oreille. Hey, toutes les autres billets, vous aviez 150 billets pour Clémence. On va gagner ma Clémence, on va l'avoir. Ben, je vous l'achète, madame. Puis excusez-moi de vous avoir raccroché au nez puis réveillé. OK, coupe-moi ça. Puis envoyez eBay là-dessus. Là. Non, PayPal. Je paye avec PayPal. PAYPAL. Quand tu rentres dessus, c'est le compte directement. Excusez, nous étions en pleine discussion pour des billets exceptionnels. Et donc, qu'est-ce qu'on parlait, donc? De PayPal, oui, mais c'est encore de la pub, ça, là? Non, on ne sait même pas de quoi on dit. Nous autres, mes mal. Mon courrier. Tu vas sur moncourrier.qc.qc.cq.q.là. Q.là. Point là. Hey, en parlant de cul point là, tu sais, T-Benjo, là, moi, je garde un T-Benjo et je le place sur le... En fait, je m'allonge sur le sofa, moi, en mettant un petit drap poilu. Puis c'est pas Benjo, là, un petit drap poilu, marron. C'est du marron, merde! Oui, non, c'est pas marron, merde. C'est marron brun. Presque foireux. Mais et je m'allonge ça sur moi. Et aussi le vendredi. Oui, je sais, madame, je fais aussi ça le vendredi soir après 3h du matin. Mais ça, c'est écoutez, les menottes et tout le reste, ça reste entre nous. Et la poupée gonflable. Le Tibendio vient s'allonger sur moi, chiquer son os. En fait, baver son os. Mais malheureusement, ce qui ne sait pas, c'est que son trou de pète est directement sur mon visage et les os en question, parce que c'est je jette du végétarien. Moi, je mange pas végé. Moi, c'est il faut que je cours après mon ours, il faut que je mange mon antilope, il faut que je dévore mon autruche. Pas de la viande d'autruche? Ben oui, de la viande d'autruche. Mais de la manger, de la faire griller des carottes, là. Oh là là là là, il y a assez que je vais en avoir quand je serai mort. Là. Ben, je vais demander sur mon testament. Planter de la carotte, parce que moi, ce que je veux avoir une vue globale. Moi, je vais être à 6 pieds sur terre, Jojo. Je vais te dire ça, mon Jojo. Moi, être 6 pieds sur terre. Sous terre, pas sur sous. Ah, et moi, ils vont me faire boire avant. Je veux qu'on brasse, j'ai comme des fous. Adulinine, je t'aimais bien, tu sais. On n'était pas du même port. Non, c'est pas quoi. On n'était pas du même chemin, mais nous irons au même port. Alors bon. Et là, moi, je vais être à 6 pieds sous terre. Donc, je serai à 6 pieds sous terre. Ça, c'est la profondeur légale. Moi, dans toute ma vie, je veux rester légal pour ne pas me faire arrêter par la police. Bon. Et 6 pieds sous terre, légal. Et pour voir les carottes. Les carottes, puis c'est beau. Imaginez-vous, là, hein, votre plafond, quand vous mettiez de la lumière au-dessus au plafond, mais là, vous allez voir des petites carottes. Quelle belle vie, tu vois, jusqu'à la fin de mes... Hey, je vais vivre, là, une vie temporairement à voir des carottes. Mais pas tout le temps, là, mais après ça, voir des petits trous en hiver. Oh, j'ai honte. Oh, on s'ennuiera pas. Je vous dis mort, on s'ennuiera pas. C'est là que le party commence. Bon, OK. Ah oui, avez-vous eu le temps d'appeler? C'est ça, je viens de receler mon cellulaire. Avez-vous eu le temps de communiquer avec quelqu'un? Hey, même mes esprits se communiquent entre eux. Là. Arrêtez, j'aime pas ça. Là. Pour faire une bonne émission, faut mettre son nœud. On était bien partis. Le nœud, c'est ma meilleure couleur. C'est ma meilleure consistance. Le nœud. Et je disais à mon coloc, lorsque je l'ai rencontré en avant de CKRL, j'ai raconté une vérité. À un moment donné, je demande à un client à 3 heures du matin qui venait chercher des cigarettes dans mon épicerie. Ben, c'est pas mon épicerie parce qu'il serait jamais ouvert à 3 heures du matin. Mon épicerie, là, ça, il y aurait quand même un règlement pour que les gens vivent convenablement leur existence. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Et donc, le bonhomme, avec sa camisole blanche, met un gros cerne jaune de bière, les yeux glaucomulaires, comme je les aime. Je dis, ça va bien, monsieur? Il dit, hey, hey, hey, hey. Je l'ai déjà raconté à mon émission, mais je vais la refaire. Hey, ça va bien. Ah, ça va bien. Je mange mes 3 repas par jour. Mes selles sont consistantes. Alors, pour bien aller, madame, mademoiselle, monsieur, si on vous demande demain, est-ce que ça va bien, vous répondrez oui. Je mange mes 3 repas par jour et mes selles sont consistantes. Ils vont changer de sujet. C'est assez insignifiant de demander à tout le monde si ça va bien. Penses-tu qu'on va te dire, ah, hey, écoute bien, toi, là, j'ai essayé de me pendre hier. Regarde, c'est pas un moccolier qui a fait ça, là. C'est pas une expérience, ça double à l'eau, là. Ça double à zo, maro. Mais, je l'ai lâché, ma zo, blazo.com, moi, là. Depuis que de la radio à TV, moi, c'est fini. Bazo, c'est la radio, c'est pas TV. Bon, en tout cas, c'est une autre histoire, ça aussi. Hey, mais on n'a pas eu des histoires qui finissent jamais. Pour ça, je regarde pas les films États-Unis. On en a parlé la semaine dernière. Bon, mes amis, l'errance rénadienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Visuel, là, d'après toi, mon grand-marc, c'est au niveau de la rétine ou de l'iris. Oh! Hein? De la rétine ou de l'iris? On devrait appeler un auto pour venir me reconduire à moi, à l'endroit. Moi, je viens de descendre d'un étage sans savoir. Non, parce que j'ai dit, les gens qui vont me regarder à la TV vont voir trop haut. Ils vont voir au haut de la lunette, ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Là? Il se fait arracher les cheveux par les extraterrestres, puis il se fait ramener par les intras. Qu'est-ce qui va arriver? Là? Le nombril, il y a quelle place? Y a-t-il? On parle souvent des aides qu'on verra jamais parce que c'est plus facile d'en parler, là, des intras et des extras. Mais est-ce qu'il existe des humanoïdes qui sont dans le milieu? Pas en haut, pas en bas, dans le milieu, tu sais, pour t'arracher le nombril en même temps, là. En haut, la tête, en bas, les pieds, puis le nombril. Pff, tu viens comme un homme élastique, une personne, parce que ça peut être une femme, un individu élastique. Ça existe-tu, ça? Ce serait très important là, que les chercheurs dans l'université, là, dans les hôpitaux, à l'Hôtel-Dieu, là, de Québec et de Lévis, là, enquêtez là-dessus, faites des recherches. Recherchez-nous la vérité. On veut la vérité. On l'aura au prix de la petite bière. Là. Petite bière chaude, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Hey, savez-vous que... Non, mais je vais vous le dire. Quand vous allez en France, ben vous allez payer votre boisson, votre liqueur, votre liquide chaud moins cher que le liquide froid. Intéressant. Fait que quand il y a une canicule, puis tu veux sortir une bière, tu la prends en chaude parce que ça coûte 50 centimes de moins, là. Tu te trouves de mauvaise gamme. Tu te dis, hey, moi, là, regarde, je paye mon billet. 1 300 $. C'est assez, là, hein? 50 euros de moins, moi, avoir chaud, ma bière. Mais non, mon imbécile, mais non. Surtout quand c'est de la bière belge, tu la prends bien froide. N'importe quelle bière, ça se prend bien froid. C'est chaud quand tu n'as plus d'estomac, puis quand tu n'as plus rien qui tient, tu mets de la sauce tomate. La sauce tomate, ça n'a plus de goût. Mais si ça n'a plus de goût, arrête le goût, là. Pas un verre d'eau, pas de glace. Ah non, c'est mauvais, l'eau, pas de glace. Ben oui. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. L'aquaboniste. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours aquabon. Un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours aquabon. Bon, c'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. On va directement à l'invité de cette semaine. On termine malheureusement cette merveilleuse rencontre que j'ai eue en 2015. Une de mes plus belles rencontres d'amour. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est une pas pire épopée, cette vie-là, pour moi. Aujourd'hui, le vendredi 11 septembre 2015, les errances rénadiennes présentent plus... Mais je fais en sorte pour qu'elles soient pas pires, l'épopée aussi. J'attends pas, là. Comment tu fais pour rencontrer ces artistes-là? Bien, je leur demande. C'est pas compliqué. Comment je peux savoir si quelqu'un frappe à la porte, s'il reste devant sans rien faire, hein? Un bout de colonisé, mais à un moment donné, il faut se réveiller de ça, là. Et puis, il faut prendre notre pays puis notre vie en main, puis faire quelque chose. Hein? Daniel Boucher, ça m'a été inspiré par Daniel Boucher dans l'oreillette. Aujourd'hui, excellent dernier album 2014 ou 2000. Non, c'est 2015, avec la crème glacée, là. Merveilleux album de mon ami Daniel Boucher. Vous allez l'entendre, là, dans quelques. Vous l'avez entendu ou vous allez l'entendre. Vous l'avez entendu. Aujourd'hui, le vendre, on ne sait même plus où on est. On est où? On est où? Je suis. Oh, yo. Hey, la gauche a monté, hein? Yes, la gauche monte. Voulez-vous que la gauche monte? Oui, la gauche va monter. Oui! C'est la bonne gauche, là. Je sais plus, ma console a perdu la boussole. Aujourd'hui, le vendredi 11 septembre 2015, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du grand auteur, compositeur, interprète Jean Faulk. Jean Faulk, il vous le dira, parce que je ne peux pas relater toute son histoire. En juillet 2015, CKRL est rentré. Je peux vous dire quand même qu'en 1975, il fait la connaissance d'Alain Bachung. Rencontre qui débouche d'abord sur une histoire d'amitié et sur des tentatives de collaboration avortées, mais qui s'avérera plus tard cruciale pour la suite de sa carrière, autant pour Jean Faulk qu'Alain Bachung. À cette époque, ils écrivent ensemble une quinzaine de chansons jamais exploitées. En juillet 2015, CKRL et Errance Rénadienne se trouvaient là, à Paris, pour rencontrer cet homme mémorable. Dehors, le lièvre court la race. Dehors, tout le monde dehors. J'embrasse mon terrier. J'annule la chambre à part, je sors me joindre à l'affluence, me poser sur la branche, au risque de me trouver à l'étroit. Faudra se serrer comme une forêt vierge, faudra se mêler de lianes infinies. C'était passionnant, j'étais à la fois dans le rock'n'roll et puis à un moment, je chantais d'une tournée avec Bachoug et puis le lendemain, on avait rendez-vous avec Jacques Chirac. C'était rigolo. Le même soir, je suis parti de Nice où Alain venait de faire un concert. Le lendemain, j'étais à un rendez-vous avec Jacques Chirac en pleine campagne électorale. C'était en 80-81. Et lui, il savait très bien ce que tu faisais en ordre de... Ah ben, bien sûr. Oui. Alors, il y avait un peu de jalousie entre les deux parce que... Il disait, ah merde, ah ouais, bah t'étais encore avec ton Bachoug et puis, okay, puis l'autre avec ton... C'est comme ça qu'à un moment, d'ailleurs, le soir, c'était très drôle. J'avais un copain qui me filait un coup de main. Lui, il était ingénieur EDF, mais il avait pris un congé de dispo juste pour nous accompagner en tournée, puis servait un peu d'assistant pour le son. Et la veille, on était en concert à Nice avec Alain, et le lendemain, on était à Montpellier, dans un meeting de Chirac, d'abord réunion avec Jacques Chirac, et on se retrouve à table avec Pasqua. Alors nous qui sortions de la tournée et tout, les pétards, les machins, tout à coup. Alors c'était drôle parce que c'était le virage à 180 degrés. Oui, lui, eux, très très conventionnels, très. Oui, et puis c'était, il représentait à l'époque un peu, d'ailleurs il était devenu aussitôt ministre de l'Intérieur, il représentait un peu l'ordre, oui, et tout à coup d'avoir des rockers. Mais c'est le côté punk aussi. Mais c'était rigolo. Ouais. C'était les hasards de la table. Il y avait une table avec une cinquantaine de types, il y avait plein de tables, et boum, tout à coup, on était mort de rire avec mon copain. Quand je retourne après le surlendemain retrouver la tournée d'Alain, alors je sais pas, j'y attendais les gars. On était à table avec Pasqua, tout le monde était explosé de rire. C'est quand même. Ça faisait. Vraiment, ça n'a rien à voir. Surréaliste. En 91, tout tombe. Osez Joséphine, arrive. Ben oui, tout à coup, heureusement. Ben oui, on commence sur Novice, et puis Alain, il y a des ruptures dans sa vie. À ce moment-là, il rompt avec son parolier en 89, après Novice, son parolier principal. J'arrive, et puis, on s'est formidablement entendu sur Novice, et on est content de se trouver. Il y a eu un événement, pour moi, majeur, qui fait qu'on a pu commencer à travailler pour la première fois à Alain, que je connaissais à cette époque-là depuis 12 ans, en 87, sous pression de sa femme, il arrête de boire des pressions, si j'ose ce jeu de mots, il arrête de boire. Et tout à coup, c'est le Alain, c'est l'autre facette du Alain, c'est-à-dire au lieu du type destructeur, autodestructeur, cynique, silencieux, enfermé... sa face, disons, noire tout à coup, c'est sa face sentimentale, sensible, assez féminin comme personnalité, c'est-à-dire dans la sensibilité, la délicatesse qui ressort. Moi, parallèlement, les bouquins que je viens d'écrire, le bouquin m'a beaucoup fait mûrir, m'a évacué. Je reprends confiance en moi, puisque pour la chanson, il ne s'est encore rien passé. Je me dis, puisque je suis capable d'écrire des bouquins de 400 pages, la chanson, j'en ai plus rien à foutre. J'ai écrit des espèces de poésie débridée, sans penser spécial, en pensant à personne. Si, un peu à Alain, parce qu'il m'en avait parlé. Et c'est ça qu'il y a plu, j'ai pris un risque. Et lui-même, il avait fait ce cheminement, il en avait marre du cynisme des années 80, de l'esprit canal, tout ça, un peu les jeux de mots attirent l'arigot. Donc moi, j'avais senti qu'il allait y avoir une évolution, c'est le propre de l'artiste. Et j'ai capté que derrière... l'un des personnages clés, hein, c'est après les jeux de mots, beaucoup de Libé, les jeux de mots à tous les titres, il y avait beaucoup de l'influence d'Alain là-dedans. La dérision, l'esprit de dérision, que ça allait changer tout à coup, une espèce de poésie, un peu retour à l'ancienne, aux anciennes formules, et il avait fait. Ce qui a été très important, c'est qu'il s'est dit à mon plus vieux pote, qui sent qu'on en s'en parle, c'est extraordinaire, nous avons fait le même cheminement. Il ne m'a pas briefé une seconde, il m'a jamais dit je voudrais aller arrêter, je l'ai juste senti. Et là, ça l'a rassuré. Il a dit ce que j'avais dans la tête, c'est peut-être un pari. Il y a mon plus vieux pote avec qui on a essayé depuis 13 ans d'écrire des trucs, il arrive et le met sous les yeux. C'était une révélation. Donc j'ai raison de faire ça, de vouloir ça. Et ça a commencé sur Novice jusqu'à l'explosion de Joséphine, c'était un bonheur, c'était un plaisir. C'était notre album à nous, de retrouvailles, mais de trouvailles. Osez Joséphine ? Oui. Je me suis procuré le triple album que l'on a sorti. Oui, oui, avec les archives. Oui, oui. Et l'intérêt, c'est de savoir comment la chanson a évolué jusqu'à la façon dont vous l'avez indiqué. Tous les mots qui ont été revus, retravaillés, la musique a changé, quelques métaphores que vous avez retirées. Ah ben avec Alain, c'était ça sans arrêt. Hein. Le gars qui est arrivé en disant « j'arrive avec un chef-d'œuvre, il ne faut pas changer de ligne », il se ramassait. Vous ne pouvez pas s'empêcher de remanier, de toucher, de mélanger avec ses propres idées. C'était. C'est ça l'intelligence aussi d'un. Ah oui, bien sûr. Il savait très bien utiliser le talent des autres et le mélanger avec le sien. Et toi, travailler avec lui, ça t'a appris à travailler autrement le texte? Ça m'a appris la modestie déjà, parce que justement, il pouvait casser tellement les morceaux qu'il restait, les textes qui pouvaient rester plus que deux lignes. Il fallait. Mais comme je disais, je m'en foutais, moi. Le principal, c'est le résultat. Okay. Comme je disais. Et puis c'était long, c'était dur. Des fois, j'avais envie d'arrêter, bien sûr. Plus ça avançait, plus il était exigeant avec lui-même. Plus les critiques à partir de Joséphine étaient énormes et plus il sentait presque un devoir de responsabilité artistique. Moi, j'étais dans une position plus facile. C'est pas moi qui va défendre les trucs sur scène ou à la promotion. C'est lui. Moi j'ai le côté, moi j'aime bien le côté homme de l'ombre, je suis dans mes coulisses et je fais mes trucs tranquille. Si la chanson est mauvaise, c'est lui qui va s'en prendre plein la gueule si l'album est mauvais. Moi toi, je serai épargné. Toi t'es un pousseur de mots, tu es un pousseur d'idées. Oui, oui, oui, c'était que le quartier libre, voilà. Mais quand même, après, au bout d'un moment, je m'investissais pas mal musicalement, je l'ouvrais. Et Alain m'écoutait sur les mix, sur le niveau des mix, sur des trucs. Même sur des versions, il disait qu'est-ce que tu penses cette version. Je dis moi je préfère celle-là où on devrait, tu devrais. Donc musicalement il m'écoutait. Et puis on faisait des bricolages dont on est assez fier, des bricolages aussi, même si on n'avait pas encore les ordi, des bricolages électroniques. Si j'ai commencé avec les Atari, on commençait. J'avais acheté des synthés, des trucs. On faisait des trucs assez étranges, une espèce d'électro barré. Donc on aimait bien. Moi, musicalement, je m'impliquais beaucoup. C'était pas mon travail de parolier. Je suis toujours souvent resté au mix. Volute par ton fumée, volute fond dénué de scrupules. Volutes partent en fumée vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances me lancent des dagues et des lances en toute innocence. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Volutes partent en fumée sous les yeux embués d'étranges libellules. Pas une grimace et un rictus de plus. Je fais deux heures sur. Je m'en donne de la peine. Je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Et mon corps de se vouer à des lunes surdouées aux courbes souveraines. Pleine. Volutes partent en fumée sous sous les soleils qui s'ignorent. Dors, dormir, mes réponses allongées. Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient l'air? Ces deux hémisphères, par quel mystère? Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages, sans échafaudage. Et Alain, m'écoutez. Après la saison de la chose, en 2008, tu as décidé de faire Trésor Or, faire Cavalier Seul. Ben, j'ai commencé en 2003 à le faire de Trésor Or. Il est sorti en 2008, mais il m'a fallu 5 ans entre le faire, le faire sortir. Est-ce que les procès. Magasins, est-ce que les maisons de production ont freiné un peu l'affaire, puisqu'il était pris depuis 5 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant de temps? Non, parce qu'à un moment, j'avais mis un manager sur le coup, et puis finalement, je me suis aperçu qu'on n'était jamais aussi bien servi que personnel. J'ai juste eu un peu... Donc, IMA, à un moment, est intéressé pour le sortir en licence, la maison IMA, mais il devait sortir en septembre. Moi, je voulais qu'il sorte avant l'album Bleu Pétrole, puisque on avait décidé un peu de faire comme une pause, un peu, et puis ça devenait difficile, il y avait bon, pour d'autres raisons... Donc je voulais un peu faire mon projet. Il aurait dû sortir avant. J'ai pas eu de chance parce qu'ils l'ont sorti 2 mois après. Tu veux parler de Bleu Pétrole? Voilà, juste après Bleu Pétrole, et ça faisait un peu... D'abord, ils l'ont sorti en juin. C'était pas vraiment un album à sortir en juin. C'est plus un album automnal. Ouais. Et tout à coup, j'étais évidemment noyé dans l'histoire d'Alain. Ouais. En plus, avec tout à coup la révélation de sa maladie. Ouais. Que c'est un peu moi qui l'ai révélé, mais je sais pourquoi je l'ai fait, parce que Alain, on s'entendait assez pour... Il ne pouvait pas en parler lui, mais il avait envie même un moment que quelqu'un crache le morceau qu'ils disent un journaliste qu'Alain avait un cancer assez grave et que les conditions de sa tournée étaient extrêmement difficiles. C'est moi qui ai balancé aux Parisiens. Non, non, c'était pas Alain d'en parler, c'est moi qui en ai parlé le premier. Est-ce que c'est lui qui te l'a dit? Il m'a raconté tout le détail. Okay. Et je me suis senti... Je connais, avec Alain, ce qu'il avait de bien, c'est qu'on n'avait pas besoin de se dire les trucs. Vous êtes un acteur égo. J'ai senti que s'il me disait ça avec autant de détails, il savait que j'étais en promotion. J'ai pensé... Alors, je me suis fait engueuler par la maison 10, par le tourneur. Mais je sais pourquoi je dis ça, qu'en plus, ce qui m'a conforté, que je sais que j'ai eu raison de le faire, c'est que je n'avais fait qu'ouvrir le terrain, puisque quelques jours après, Alain donne une longue interview, je ne sais plus dans quel journal, où lui-même, qui concernait sa maladie, il le raconte en détail. Alors, donc tout à coup, ce que, toi, ce que j'avais, si j'ai ouvert un peu la piste là-dessus. Alors évidemment, ça les emmerdait, je comprends, parce qu'après ça fait pathos. Oui, le courage, c'est plus l'artiste, c'est le courage d'Alain Bachaud, qui effectivement a eu un courage absolument exceptionnel de tourner jusqu'à la fin dans l'état où il était. Et en même temps, c'est de donner espoir aux gens qui sont comme lui, que malgré tout, tu peux aller jusqu'à la fin. Tout à fait. Et puis il y avait aussi une autre raison, il me disait, Jeannot, si demain j'arrête et que je vais à l'hosto pour me faire soigner comme le conseillent les médecins, si demain j'arrête les concerts, 2 semaines après je suis mort. Il me dit, ce qui me tient en vie mieux que les chimios et les médicaments, c'est l'énergie. Et ça l'a réconcilié. Parce que toujours cette impression de mal aimé, de maudit, de malédiction, d'embrouille. Les relations ont toujours été très compliquées avec Alain et les gens avec qui il a bossé. Beaucoup de conflits, de ruptures, même avec des gens, avec les femmes, souvent. Et tout à coup, ce côté un peu, tout ça venant certainement de son enfance difficile, et un peu de mal aimé, c'est toujours cru comme ça. Et tout à coup, de voir ces espèces de vagues d'amour que le public lui envoyait sur sa dernière tournée, ça l'a vraiment maintenu. Et il a lutté pour ça, pour ne pas décevoir comme un professionnel, un grand artiste. Oui, un grand artiste. Courage. Et Trésor Or, on va revenir à ton œuvre Trésor Or, qui est sorti malheureusement pendant Bleu Pétrole. Oui. Donc ça peut être camouflé ou en tout cas, ça n'a pas eu le succès que tu voulais. Alors attention, succès, je ne m'attendais pas avec un album piano-voix sur quelqu'un qui signe à 57 ans dans une major et tout ça. Et ce n'est pas fait pour passer effectivement sur NRJ ou sur des radios. Par contre, je l'ai fait comme ça d'abord pour deux raisons. En fait, j'avais deux projets d'albums en parallèle dès le début 2000 en voulant rechanter. C'est suite à la rencontre avec Baptiste Trottignon que j'ai eu dans ma tête l'idée de Trésor. Je me suis dit, piano-voix, ça ne se démodera pas. Faire aller du côté Debussy, Ravel, quelque chose d'assez élégant. J'ai largement assez de textes pour faire plusieurs albums. Je ne vais pas prendre les textes les plus faciles. Et je me suis dit que pour tourner, en plus, ça serait plus facile de tourner simplement avec un pianiste quand on n'est pas connu. Et je suis toujours ravi de cet album. Tu fais encore des... Je fais des concerts de temps en temps, mais je n'ai pas de tourneur, donc c'est un peu petit bonheur la chance. On frappe et tout. À mon rythme, si on m'appelle, j'y vais, mais je préfère jouer dans des petites salles de province qu'à Paris. Mais d'où vient le titre Trésor? Alors, tout simplement, il y avait 13. Ben, parce que pour moi, c'était un peu. Alors, évidemment, il y a le jeu de mots avec Trésor. Ouais. Or, il y a 13 morceaux, parce que je suis très attaché au 13. Je suis né un vendredi 13. Beaucoup de choses sont passées dans ma vie avec le 13. Parce que. Pour moi, l'aurore, c'était un peu. C'est le jour qui commence. C'est l'arrivée de la vie. C'était un peu une nouvelle vie pour moi, une vie d'interprète. Et chaque chanson, pour moi, même si les chansons sont assez crépusculaires, c'était un peu des aurores d'une nouvelle vie. Est-ce que c'est. Lorsque tu écris, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou si c'est les idées qui amènent les mots? Ça peut être les deux. Okay. Mais souvent, je pense que souvent. Tout à coup, c'est un flash. Ça peut être dans le métro, en bagnole, sous la douche, au resto. Tu prends le métro, toi? En train de faire l'amour. Ah, bien sûr. Okay. Quand je vais en dehors de Paris, j'ai une voiture, mais je la laisse garer à Paris. Okay. Oh non, dès que je peux, j'évite la voiture. Okay. Ça ne sert à rien à Paris. Mm-hmm. Sauf si j'ai un peu de matériel à porter, ou des comme ça, mais même les rendez-vous. Okay. Et puis le soir, ça me permet de boire et de rentrer en taxi. Ben oui, quand ben je vais oui. en concert voir des potes, vous ne voyez pas que je rentre après en bagnole, tu vois, alors... Ou un taxi. Aller métro et retour taxi. Métro, c'est comme disait le téléphone. Métro, c'est quoi? Donc, métro, c'est... Oui, c'est le... Métro, c'est beau, en tout cas, quelque chose du genre, avec le téléphone. Métro, c'est trop, quoi. Toi, t'es un homme qui adore les mots et tout à coup, une phrase, c'est plutôt le son. C'est un mot, une phrase qui vient, qui peut tout à coup déterminer une chanson. La consonance du mot? Oui, ou d'une phrase. Par exemple, un jour, tout à coup, il me vient dans la tête, c'est à cause d'EV, parce que j'aime bien la lettre V, ça sonne bien, il me vient une phrase, on m'a vu dans le Vercors, dans ma tête. Après, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Vercors, je ne sais plus du tout ce que ça racontait, mais Alain n'avait gardé que ça, on m'a vu dans le Vercors, et toute la chanson a commencé comme ça. Est-ce qu'il te dit, là, il faudrait que tu travailles sur ce thème-là, on m'a vu dans le Vercors? Il y avait 3-4 thèmes sur le Vercors, on a rassemblé 3-4 chansons différentes. Okay. Alors c'est ça, c'est du collage. Après, oui, après ça se détermine. Je passe pour une caravane, pour un chien qui n'en démord pas. Le labyrinthe conduit l'homme mobile à des étreintes, loin du réconfort. De sas en sas, et mes visites s'espacent. Les ombres se chinent à rechercher des nuances. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire, de l'étuve au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte, un baiser. Je passe sous silence mes avatars, je passe sur tes frasques. Omnibulé, pourquoi pour un vasistas, loin du réconfort. de sas sans sas. Et mes visites, ça se passe. Mes élans me courent et m'entraînent vers d'autres riveraines, vers la grande inconnue, loin du réconfort. De sas sans sas, et te visite s'espace. Les ombres s'échinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étuve au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte. Écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Au pays des matins calmes, pas un bruit de sourd, rien ne transpire des ardeurs. J'aimais quand je t'aimais, j'aimais quand je t'observais. J'étais d'attaque. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie m'a déguerpi. L'amour t'a faussé compagnie. Des nuits sans voir le jour, à se tenir en joue. Et moi, ses pieds, passés à tenter de s'endormir hanté, ne plus savoir. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour d'un fossé compagné. L'amour d'un fossé compagné. Sais-tu qu'un salaud a bu a perdu sur ce lit de bataille. Soigne les hommes à poigne, soulage la pâtissière. R, R, R, R. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldats sans joie va déguerpir. La montre à faux ses compagnons. La montre à faux ses compagnons. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. La montre à faux ses le bar se gondole dans le roulis. Et si on cuit au bain-marie, un coup je te lave, un coup tu m'essuies. Et si on squatte, on se débecte, et les mouettes délectent de nos anecdotes. Au large, les barres se gondolent dans le roulis. Et si on suit des bikinis, les jours de grève, le sable s'ennuie. On se prélasse dans les grandes surfaces, là où se pressent les huiles. Et les pics en or, j'ai j'vole. J'ai qu'une idée, éternuer, te retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui. Marche les barres, se gondole dans le roulis. Et si on jouit du clapotis, du bord de mer dans mon jacuzzi, du premier jet, j'ai dû garder, puis j'ai mélangé le léger, le corset. J'ai qu'une morning. J'ai qu'une idée, éternuer, de retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui. Au bout d'un moment, c'était très libre et après, ça se resserre. Mais avec toi, lorsque tu es en solo, comme tu n'as personne qui peut te dire les changements que tu dois effectuer, puisqu'il y avait Alain à l'époque, est-ce que tu... Oui, oui, oui, bien sûr, je fais ce que je veux, oui. C'est pour moi. Mais le collage, est-ce que tu fais beaucoup de collage comme à l'époque avec Alain aussi? Non. Okay, c'est des moi, textes. C'est plutôt des trucs plutôt spontanés. Okay. Après, je peux améliorer, mais je ne suis pas tellement à revenir sur les textes ou à recoller. Ou mais à... écriture automatique ou... C'est un peu écriture automatique. Voilà. Okay. Ah, moi, ça aurait été mon rêve qu'Alain me prenne les choses... Mais c'est jamais arrivé. En écriture automatique, il la chante d'un bout à l'autre. OK. Et toi, comment la musique se colle? On va terminer bientôt. Comment la musique se colle aux paroles? Ben, il y a plein de cas de figure. Dans le cas d'Alain, sur Novice, Osé Joséphine, il y avait des musiques un peu préexistantes. À partir d'Osé Joséphine, surtout, on est parti des textes. Et toi, dans Très Horreur? À moi, dans Très Horreur, ce sont des pianistes qui ont composé dessus. Je leur ai mis le texte sous les yeux. Des et amis, c'est parti. Des amis pianistes, des gens, des amis ou des gens que je ne connaissais pas. Okay. Et rencontre, et puis tout à coup, où je leur envoyais un texte par mail et je recevais ça. Ça commençait avec Baptiste Rotignon. J'ai parlé avec lui, je lui envoie deux textes par mail. Trois jours après, j'avais deux mélodies magnifiques. Mais tu n'as jamais voulu travailler avec un pianiste qui lui allait donner un son? Si, je voulais travailler avec Rotignon. Mais il ne pouvait pas, il n'était pas libre. Ben oui, c'est ça, il y a toujours des projets. Et donc, tu ne voulais pas t'acharner à trouver un son avec un pianiste, tu t'es épuisé. Je ne pouvais pas parce que après, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai à peu près, il a déterminé une certaine couleur. Et après, avec ça, je me suis dit, je vais travailler avec différents pianistes. Après, c'était des hasards, j'en demandant à l'un, à l'autre. Des amis qui sont proposés, d'autres. Et puis voilà, c'était génial à faire. Est-ce que tu prépares un nouvel album? Oui. C'est bien avancé. Okay. J'ai commencé à attaquer les mix, donc pour dire que c'est bien avancé, okay. Il me reste C'est un album que j'ai attaqué en l'an 2000 en maquette, que j'ai repris en production à partir de après Très Horreur, vers 2008, qu'après j'ai laissé un peu en stand-by et que j'ai réactivé avec un ensemble à cordes, avec un ensemble classique magnifique, avec un jeune arrangeur qui s'appelle Étienne Champollion Sortie 2016. Sortie 2016, normalement, si tout va bien, il faut que je trouve la prod et la distrib. Ouais. J'ai 10 questions de la fin, on va voir où ça nous amène, ça peut aller très rapidement. Si tu étais un liquide. Du vin rouge. Lequel? Un corbière. À quelle heure? À 20h, pour manger. Si tu étais une ville, et ça se poursuit par la suite, là, après le repos, il faut bien... Oui, oui. Oui. Si tu étais une ville... Fès, au Maroc. Ben oui. Si tu étais une langue... Le français. Si tu étais une époque... La seconde partie du 19e siècle. Pourquoi? Celle d'un des grands poètes, des grands écrivains, cette espèce d'élégance et de classe, la fin d'un monde ancien et l'arrivée d'un monde moderne avec les premières grandes inventions techniques qui révolutionneront tout. La période 1850-1900. Si c'était un mot. Bonne question, si j'étais un mot. Or. Or. O-R. Or. Si tu étais un aliment. Une tranche de jambon. Si tu étais une saison. L'été, bien sûr. Si tu étais un membre corporel, même quand il fait très chaud. Tu es un gars qui est né en Afrique, la chaleur n'a pas d'importance. Si tu étais... C'est ça, hein? Oui. Si je, oui. Si tu étais un membre corporel. Ça dépend du membre. Mon bras droit, parce qu'on a toujours besoin d'un bras droit. Oui, oui, oh, c'est bien. Et t'étais le bras droit dans la bâche. J'étais parfois bras droit assez gauche aussi. Oui, on est toujours un peu gauche dans ces histoires-là. C'est surtout des histoires d'amitié. Si tu étais un moment de la journée. Le soir vers minuit. C'est là que tout se place et tu peux prendre le. Oui, j'aime bien la nuit. Je le déteste le matin. Si tu étais un autre individu. Un pardon? Si tu étais un autre individu. Ah, qui j'aimerais être. Oh, j'ai pas de nom. J'aurais Messi. Alors, sans doute un grand astronome ou un grand scientifique. Hubert Reeves, j'aurais aimé, par exemple, être quelqu'un, avoir ce cerveau, cette connaissance du cosmos. Et à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? C'est difficile, je pense qu'on peut faire le bilan quand on est mort. Je n'ai pas de regrets. Ben, moi, j'ai la chance, et c'est un privilège, d'avoir eu un rêve de jeunesse, un rêve d'adolescence. Quand je disais à mes copains, quand on entendait Johnny ou Dutronc, Christophe ou Paul Naref, qui étaient des stars dans les années 60, et de leur dire un jour, je serai à Paris, je ferai des chansons pour eux, ou je les rencontrerai. Et bien, rien que ça, de savoir que ça s'est fait, que ça a pu se faire, c'est déjà extraordinaire. Donc j'ai eu un jour un rêve que j'ai presque été obligé de suivre par orgueil pour frimer devant mes copains plus tard. Et le simple fait que j'y sois arrivé, je ne sais pas si ça s'appelle réussir sa vie, mais j'ai réussi mon rêve. Ben écoute, moi j'avais un rêve, c'était de te rendre. Oh, merci, c'est trop et gentil. Je suis très heureux. T'es merci, c'est une très belle liaison. Et merci à tous les auditeurs. Je suis de CKRL. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Québec. J'adore Montréal. J'étais allé pour travailler avec de l'an 2000. Et puis après, j'y suis retourné en 2002 pour travailler pour Angoon. J'habitais là-bas. J'avais travaillé pour. Isabelle Boulay. Oui, mais aussi pour. Chanteuse. Enfin, j'avais adoré Montréal et l'esprit montréalais. As-tu visité Québec? Nous sommes cousins, on est des cousins d'exilés. Oui, oui, oui, oui. Alors, effectivement. Et tu passes par Québec un jour? Jamais. Ok, ben écoute, c'est le chemin qu'il faut prendre. Eh ben, de la petite France. Quand tu arrives à Québec, tu vois la France. J'ai hâte de découvrir. Ben écoute, j'espère avoir l'occasion. J'aimerais bien un jour aller chanter là-bas. Oui, ben Jean, tout est ouvert. Et merci de ta présence. Merci beaucoup, Rénal. Ben ça me fait plaisir et je vais prendre des photos si ça te dérange pas. Oui, bien sûr. Ah! J'étais censé t'étourdir. Sans aviron, sans élixir. J'étais censé te soustraire à la glu. Les impasses, les grands espaces, mes bras connaissent. Mes bras connaissent une étoile sur le point de s'éteindre. J'étais censé te ravir à la colère de Dieu. La douceur d'un blindé, le remède à l'oubli. Mes bras connaissent. Mes bras connaissent la menace du futur, les délices qu'on ampute pour l'amour d'une connasse. J'étais censé t'encenser, mes hélices se sont lassées de te porter au nez. Je me tue à te dire qu'on ne va pas mourir. Sauve-toi, sauve-moi. et tu sauras où acheter le courage. J'étais censé t'étourdir. Sans aviron, sans élixir. J'étais censé te couvrir à l'approche du cyclone. Mes bras connaissent. Mes bras connaissent sur le bout des doigts. La promesse d'un instant, la descente aux enfers. Mes bras connaissent. Mes bras mesurent la distance. Sauve-toi, sauve-moi. Et tu sauras où l'acheter le courage. J'étais censé t'étourdir. Sans aviron, sans élixir. J'étais censé t'extraire le pieu dans le cœur qui t'empêche de courir. Mes bras connaissent, mes bras connaissent. Mes bras connaissent. Une étoile sur le point de s'éteindre. Mes bras connaissent, mes bras connaissent. Sur le bout des doigts. Mes bras connaissent. Mes bras connaissent. J'étais censé t'étourdir. Sans aviron, sans élixir. J'étais censé te soustraire la glu. J'étais censé. J'étais censé. J'étais censé. Mes prisons, je prie. Des fois je me réfugie. Rendez-vous sur la lande. Et qu'enfin cesse la nuit. Qu'on me presse une orange. De ma peine je ferai mon lit. Dans les herbes folles tu peux courir pour des aveux. Non lieu. Non lieu. Ostende, j'aime Gibraltar, ces rochers qui s'ingénient à me faire du plat. Ostende, je tire Ostende, je gagne des otaries. La mer se retire, cache ses rouleaux à l'ombre des digues, elle et moi on s'ennuie. Nos souvenirs font des îles flottantes. À Ostende, j'ai la hantise de l'écharpe qui s'effiloche à ton cou. À Ostende, j'aime Épinal, ses ondes et lacrymales. À l'arrivée du ferry, un soupçon de fadeur, rien de tragédie, et je pleure mon collier, ma colère. Flottez hippocampe, droit comme des i, laissez-vous porter par l'extrême obligeance. Faites fi de la géographie, des petits ensembles, les grands amphis. J'aime Gibraltar, à Ostende j'appréhende les forces en présence. J'paye en yens des offrandes carabinées à des païennes indifférentes, armées par l'arbre. À Ostende, tu m'énerves. À Oslo, j'aime Agadir, son brouhaha. À Java, j'aime la Villette, à l'Alma, je soupire. En Ukraine, j'aime le Fado. Flottez hippocampe, droit comme des i, laissez-vous porter par l'extrême obligeance. Faites fi de la géographie, des petits ensembles, des grands amphis. À Ostende, j'aime Gibraltar, ces rochers qui s'ingénient à me faire du plat. À Ostende, je tire Ostende, gagne des otaries, la mer se retire, cache ses rouleaux à l'ombre des digues, elle et moi on s'ennuie. Nos souvenirs font des îles flottantes, à Ostende j'ai la hantise de l'écharpe qui s'effiloche à ton cou. On les prend comment ça? Bon, avant le paquet, je fais un cadre. C'est comme tu veux. Le flash va se mettre en fonction tout seul. C'est de la magie. D'accord. 2015. Hey, c'est quoi ta montre? Ça fonctionne sur ton cellulaire? Et... Oui, c'est la fameuse Apple Watch. Incroyable. Tout se passe là-dedans. Hein? C'est le télécommande de l'iPhone. Ça permet c'est un cerveau. C'est un cerveau. On va attendre. Okay. On y va? OK. Dernière. OK, on y va? Parfait. Merci. Ça flash. Merci, puis je vais payer ta bière, ça me fait plaisir. Ah oui, au fait. Là, ça fait plaisir d'avoir oublié ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation pour toutes les autres interviews. Ben, je m'en vais après demain. Bon, alors. Il me reste 36 heures. Tu en as fait beaucoup. Ben, j'en ai fait 45. Là, c'est au Sénat, 45 quand tout est parti. Oui, mais là, cette année. 45. En 8 jours, 45. Ben écoute, on verra le. Oui, le lien MP3. Parce qu'après, c'est en ligne, je suppose. Oui, un MP3, et je te l'envoie dans le cadre de mon émission qui n'a rien à voir avec ce printemps. Quoique, il y a des bases qui ne prennent pas. Génial. Ben merci. Merci à toi. Envoyez. Bonne suite et bon retour. Et bonne continuation. Salut, bye. C'est à cause d'EV, parce que j'aime bien la lettre V, ça sonne bien. Il me vient une phrase, on m'a vu dans le Vercors, ah oui, dans ma tête. Après, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Vercors.

les pluies acides décharnent les sapins. J'y peux rien, coule la résine, s'agglutine le venin. J'crains plus la mandragore, j'crains plus mon destin, j'crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soif, sois encore à moi. Une petite chanson, alors, un petit peu pour finir. Je vous souhaite une bonne nuit. Je veux pas quand même, mais je veux quand même. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, des fois c'est que des peines. Dis quoi que je débloque. Ok. Martine est insomniaque à 100%, faut faire. Donne des coups de coude et le guitariste voudrait assurer. Elle veut refaire l'amour. Mon cul. Martin Bourg. Avec des petites garçons de son âge. Comment la toucher quand elle me revient tout en blanche. Qu'est-ce que j'en plus que moi. Martin Bourg. Je me pose en douceur sur Martine des questions d'amour propre. À mes yeux, elle est nickel, à mes doigts, je peux pas dire. Peut-être que c'est juste un coup. Martin Bourg.